Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, le don du sang. De quoi s'agit-il ? Alors, il existe différents dons. Le premier, le don du sang total, est le plus courant. Il est utilisé pour des transfusions sanguines et la recherche médicale. Il y a également le don de plasma qui, lui, est utilisé pour préparer les vaccins, sérums, remèdes contre l'hémophilie. Il est également utilisé en prévention de la maladie du nouveau-né liée au rhésus. Enfin, il existe le don de plaquettes sanguines qui sert notamment à soigner certains cancers, dont la leucémie. Alors, qui peut faire un don ? Il y a des conditions de santé qui sont à remplir. En effet, pour faire un don, vous devez être en bonne santé et peser au minimum 50 kg. Vous pouvez être exclu du don du sang en cas de contre-indication médicale, mais vous ne pouvez pas l'être en raison de votre orientation sexuelle. En effet, depuis le 16 mars 2022, dans la continuité de la loi bioéthique du 2 août 2021, en rendant le don du sang accessible à tous sur la base des mêmes critères, il n'y a plus aucune référence à l'orientation sexuelle dans les questionnaires préalables au don du sang distribués par l'établissement français du sang. Ainsi, les hommes ayant des relations homosexuelles ne sont plus tenus de respecter une période d'abstinence pour pouvoir donner leur sang. Un arrêté publié au Journal officiel du 13 janvier 2022 supprime toute référence au genre des partenaires sexuels dans la section des candidats au don. Cependant, un nouveau critère est ajouté. En effet, le donneur devra déclarer s'il prend un traitement pour la prophylaxie pré- ou post-exposition au VIH, auquel cas le don sera rapporté 4 mois plus tard. Le questionnaire permet également d'identifier des comportements à risque incompatibles avec un don du sang, multiples partenaires ou bien encore consommation de drogue. Mais l'orientation sexuelle n'est plus mentionnée. Pour en revenir aux contre-indications médicales, il ne vous est pas possible de faire un don de sang, notamment si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Vous avez subi une transfusion et une greffe, quelle qu'en soit la date. Vous avez séjourné au Royaume-Uni pendant au minimum 1 an cumulé entre 1980 et 1996. Vous pourriez transmettre par la voie du sang une bactérie, un virus ou un parasite entraînant des maladies. Vous pourriez également transmettre une infection virale par la voie sexuelle ou bien encore, vous êtes enceinte. D'autres critères sont exigés. Vous pouvez tester votre capacité à donner en répondant à un questionnaire sur le site dondesang.efs.sante.fr/quiz. Ensuite, il existe des conditions d'âge. En effet, la nature du don que vous pouvez faire varie selon votre âge. Pour les moins de 18 ans, il n'y a aucun don possible, sauf bien entendu en cas d'urgence et avec l'accord du mineur et de ses parents. Pour les personnes de 18 à 65 ans révolus, tout type de don est autorisé. Toutefois, à partir de 50 ans, le don de granulocytes, famille des globules blancs, n'est plus autorisé. Après 60 ans, le premier don est soumis à l'autorisation du médecin responsable du prélèvement. À partir de 65 ans révolus, seul le don de sang est autorisé avec, encore une fois, l'autorisation du médecin. Pour les 71 ans et plus, aucun don n'est autorisé, sauf pour des cas exceptionnels, comme par exemple le sang qui peut être très rare. Ensuite, quelle est la durée d'un don ? En effet, la durée du don varie selon le type de prélèvement. Pour le don de sang total, 8 à 10 minutes, mais il faut prévoir 45 minutes à 1 heure avec l'entretien médical, le repos et la collation qui suit. Le don de plasma, quant à lui, dure entre 1 heure et 1h30. Et enfin, le don de plaquettes dure environ 2h30. Alors, pour finir, où donner son sang ? L'établissement français du sang, l'EFS, présente les informations pour savoir où et quand faire un don du sang sur le site internet mon-rendez-vous-dondesang.efs.sante.fr. mon-rendez-vous-dondesang.efs.sante.fr. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.